tu parles de clash. L'homme et les bigouas, prends le microphone, ton son gueule. Malheur de mâche, tu parles de clash. Range tes platines, sans bois, tu vois pas que tu fais tâche. Tu parles de clash. Mais tu parles derrière mon dos, tu n'es qu'un seul lâche. Tu parles de clash. Ton son est pourri et puis tu mixes à l'arrache. Tu joues le dur, le bad et le rough, mais en fait tu n'es qu'un lâche. Quand tu prends le micro, c'est pour accomplir ta sale tâche. Critiquer les amis, tu le fais de manière efficace. Continue soundboy, t'auras tout le monde sur tes traces. Ta bassesse est telle que pour moi elle reste inefficace. Tu crois que je suis dead, mais pour toi je reste une menace. T'as voulu tester sur le rythme, mais tu perds la face. Appelle les pompiers, tu brûles, ne reste pas sur place. Tu parles de clash. L'ombre des big was, prends des grands fantômes, son gueule. Malamal mâche, tu parles de clash. Range tes platines, sans bois, tu vois pas que tu fais tâche. Tu parles de clash. Mais tu parles derrière mon dos, tu n'es qu'un seul lâche. Tu parles de clash. Ton son est pourri et puis tu mixes à l'arrache. Ce n'est pas la peine d'essayer, regarde ton son des bien rouillé. T'as voulu nous tester, mais tu t'es pris une des culottes. En effet, telle une bombe, je vois ton visage se consumer. Tu n'as ce que tu mérites, maintenant il va falloir assumer. Ton discours est inutile, alors évite de polémiquer. T'as voulu nous la mettre, mais au final tu t'es fait niquer. Les hypocrites, je les shoot avec eux, je n'ai pas de pitié. À l'avenir, ne viens pas tester si tu es périmé. Tu peux pas tester. Tu peux pas lutter. Tu peux pas bluffer. Trace ta route ou on va t'éliminer. Mais non, tu peux pas tester. Tu peux pas bluffer. Tu peux pas clasher. Tu me clashes, c'est clash. Tu parles de clash. L'homme et les big was, prends le microphone, ton son gueule. Malheur de mâche, tu parles de clash. Range tes platines, sans bois, tu vois pas que tu fais tâche. Tu parles de clash. Mais tu parles derrière mon dos, tu n'es qu'un seul lâche. Tu parles de...